te bouffer des discours prémâchés. Je ne veux plus les supporter. Dès qu'ils me sortent leur grande idée, un discours plus que dépassé, qu'ils répètent à longueur de journée. Mais du coup, ils se mouillent pas trop. Wow. Ou peut-être sont vraiment peureux. Wow. Toi, tu passes pour un grand facho. Wow. Tu me moques, tu penses pas comme eux. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Antifa n'est pas mon combat. Yeah, yeah, yeah. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Des beaux discours, je n'en ai pas. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. Ils utilisent les mots fachos tout le temps à tort et à travers. C'est la définition du mot. Regardez dans le dictionnaire. Les seules fois où ils sortent de leur trou. Wow. C'est pour se battre contre des arrières. Wow. Mais le racisme y en a partout. Wow. Qu'ils soient français ou maghrébins. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Antifa n'est pas mon combat. Yeah, yeah, yeah. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Des beaux discours, je n'en ai pas. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. Tolérance et liberté. De moquer de l'envie gerbée. Exactement comme les hippies. Mais tu portes des dogs et du Fred Perry. Des canoirs te traitent de raciste. Wow. Tu chiottes mais injustifié. Wow. En fait ta peur t'es qu'une couille molle. Wow. Car au final il t'a insulté. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Antifa n'est pas mon combat. Yeah, yeah, yeah. Je fais pas partie de ces gens-là. Des beaux discours, je n'en ai pas. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Anti, anti, va. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Antifa n'est pas mon combat. Yeah, yeah, yeah. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Des beaux discours, je n'en ai pas.